franceinter.fr. Radioscopie. Radioscopie. Henri Freinet. Jacques Chancel. Henri Freinet, vous avez été l'un des premiers résistants de France, vous avez été ministre, puis vous avez lâché la politique, peut-être la respiriez-vous mal. Longtemps, vous avez refusé d'écrire sur les années 1940, sur les années 40, parce que dans vos souvenirs étaient étroitement liés l'héroïsme et la lâcheté, l'ambition et le désintéressement, la médiocrité et la grandeur. Vous écrivez enfin, vous écrivez ce remarquable livre « La nuit finira », mais vos sentiments ont-ils changé ? Mes sentiments, à vrai dire, n'ont pas changé. Simplement, ils ont changé dans leur perspective. Car on ne réfléchit pas, avec 30 ans de recul, de la même manière qu'on a pu réfléchir ou réagir sur le moment. Je pense donc que dans ce livre, j'ai écrit, d'après moi, la très stricte vérité, du moins en ce qui concerne les faits. Quant au jugement, chacun jugera, mais je pense que j'ai pu le faire avec une certaine sérénité que je n'aurais pas pu avoir lorsque je sortais tout chaud de la bataille. Enfin, ces souvenirs, qui sont des souvenirs d'hier, ont leur prolongement aujourd'hui, donc on peut employer les mêmes mots. Est-ce qu'il y a encore héroïsme et lâcheté ? Est-ce qu'il y a encore ambition et désintéressement ? Est-ce qu'il y a encore médiocrité et grandeur ? Vous voulez me demander si dans la vie courante, dans la vie d'aujourd'hui, il y a encore héroïsme et lâcheté, désintéressement et altruisme. Bien entendu, ce sont là des sentiments qui cohabitent, on peut dire, en certains, dans chacun d'entre nous. Et je crois que c'est un phénomène de tous les temps, c'est lié à la nature humaine même. Mais peut-être, dans cette période, ont-ils été mis plus en relief qu'ils ne le sont dans la période ordinaire. On a vu plus d'héroïsme, on a vu plus de lâcheté, on a vu plus de désintéressement. Henri Freinet, votre livre est important parce qu'il dépoussière la résistance. Il y a eu beaucoup de livres, sans doute trop de livres qui ont été écrits. Et forcément, la fiction l'a emporté sur la réalité, enfin en tout cas sur la vérité. Pourquoi avoir attendu tellement de temps ? 30 ans après, vous écrivez. Vous n'osiez pas avant ? Ce n'est pas que je n'osais pas. On pourrait dire plus exactement que je ne voulais pas. La résistance est devenue, comme certains aspects de l'histoire de France, un genre de légende. Et les légendes, je crois, ne gagnent pas à être passées au microscope. Si on les passait vraiment au microscope, je crois qu'il y en a très peu qui résisteraient à cet examen. Henri Freinet, j'ai l'impression que vous ne voulez pas être tout de même un ancien combattant de la résistance. Vous direz... Vous n'êtes pas de ceux qui se réclament encore de Gaulle. J'ai beaucoup de respect pour les anciens combattants. Mais je ne crois pas avoir jamais eu l'esprit. Personnellement, et même malgré mon âge qui commence à être avancé, j'aurai 68 ans le 19 novembre prochain, j'ai toujours préféré dans la vie regarder devant moi plutôt que de me retourner sur le passé. Je vis davantage dans l'avenir que dans le passé. Alors, ancien combattant, non. Oui, ancien combattant de fait, ancien combattant d'esprit. Je n'éprouve pas le besoin, peut-être ai-je tort d'ailleurs, de défiler derrière des bannières et d'aller au monument aux morts. Lorsque je dois me recueillir, ce que je fais parfois, je n'ai pas besoin de cela. Henri Freinet, à qui appartient la résistance ? Les communistes la revendiquaient au lendemain de la libération, et cela au nom des 75 000 fusillés, et puis il y avait les gaullistes qui la revendiquaient aussi. Je pense que personne ne peut revendiquer la résistance. Elle a été un fait national qui a d'abord été... le fait d'une toute petite minorité. Je voudrais souligner en passant que, d'après moi, si on avait pu faire un référendum, si le maréchal Pétain avait fait un référendum en 1940, Il aurait eu un score, pour employer un terme sportif, très largement supérieur à celui que le général de Gaulle a obtenu lorsqu'il a recouru à cette méthode. Par conséquent, 98% derrière Pétain, nous n'étions donc pas très nombreux au début. Je dois dire qu'en 1944, on était alors... Il y avait du monde. Ah oui, il y avait du monde. Là, on se bousculait au portillon. Ceci étant dit, vous avez parlé du parti des 75 000 fusillés. C'était un terme de propagande. Dieu merci, en France, d'après les statistiques les plus récentes, au total, il n'y en a pas eu plus de 20 000. Et j'ajoute, Dieu merci. Donc, le parti des 75 000 fusillés, il y avait bien un parti, mais il n'y a pas 75 000 fusillés. Et j'ajoute, Dieu merci. Vous dites les gaullistes. Bah, d'abord, c'est un terme que je trouve, pour ma part, extrêmement équivoque. Car le gaullisme, employé à Londres, avait une signification. Le gaullisme employé à Vichy en avait une autre. Et le gaullisme en 1973 en a encore une troisième. Et ce ne sont pas du tout les mêmes. Alors il faudrait s'entendre sur le sens des mots. Et il faut bien admettre que les courbes de passion en sont exactes. 2% de gaullistes en 1940, peut-être 98% en 1945. Et peut-être que dans l'avenir, on considérera les choses autrement ou de la même manière. Je ne sais pas ce que diront les historiens, mais moi, personnellement, voyez-vous... L'homme restera, pas de doute. L'homme restera et sa grandeur est exceptionnelle et son mérite à bien des égards, à mes yeux, pas à tous, est certain. Mais moi, je me méfie de ce genre de statistiques. Je m'en méfie beaucoup parce que, dans un film récent, on l'a bien vu, et je le savais d'ailleurs depuis longtemps, on a vu le maréchal Pétain venir à Paris en 1944... et recevoir à Notre-Dame un accueil enthousiaste. Et quelques mois plus tard à peine, le général de Gaulle recevait un accueil non moins enthousiaste, et je ne jurerais pas que dans cette foule, ce n'étaient pas les mêmes. Henri Freinet, vous avez été ministre des prisonniers, déportés et réfugiés, immédiatement après la libération. Mais la génération d'aujourd'hui ne comprend pas l'esprit ancien combattant. Cela tient à quoi, et vous le savez bien? Il ne comprend pas l'esprit ancien combattant. D'abord, il est très difficile pour moi de me mettre dans la peau d'un garçon qui aujourd'hui a 25 ou 30 ans. On peut imaginer. C'est quand même un peu difficile. S'ils ne comprennent pas d'abord la mentalité ancien combattant, c'est peut-être d'abord parce qu'ils n'ont pas fait la guerre. Il me semble que s'ils l'avaient faite, eh bien peut-être comprenaient-ils mieux non pas le phénomène ancien combattant sur lequel je me suis expliqué tout à l'heure, mais peut-être ce qu'était réellement une guerre, ce qu'étaient les conditions dans lesquelles ont vécu ceux qui ont combattu, et pour la résistance, d'une manière toute particulière, le caractère très, très spécial, presque unique, je crois unique dans l'histoire de France, qui a été notre combat. Ça, il est très difficile pour eux de le comprendre, et j'espère d'ailleurs que dans ce livre, La nuit finira, qui vient d'être publié, ils pourront comprendre justement ce qui aujourd'hui pour eux reste peut-être un peu impénétrable. Henri Freinet, vous avez écrit ce livre, je le rappelle, 30 ans après, mais est-ce que vous l'auriez rédigé de la même façon, De Gaulle vivant? Certainement. Si De Gaulle avait vécu plus longtemps, je l'aurais écrit rigoureusement de la même manière. Ma plume n'a jamais été retenue et ne sera jamais retenue par une espèce d'auto-censure. Alors j'ai écrit de cette période, et notamment de Gaulle, ce que je pensais, c'est-à-dire très souvent du bien, très souvent des choses qui à mes yeux sont moins bien, car j'ai été avec lui et très fréquemment en opposition. Je n'ai jamais été un des grognards de la France libre. Pas un inconditionnel. Jamais un inconditionnel. Je ne l'ai jamais été vis-à-vis de personne, et je ne le serai jamais. C'est peut-être d'ailleurs ce que dans les milieux gaullistes, on m'a reproché. Très récemment, voyez-vous, un communiqué de l'UDR, après une manifestation de caractère politique que j'avais fait, a déclaré « Freinet n'a jamais été des nôtres ». J'en prends acte avec satisfaction. Est-ce que c'est un règlement de compte, ce livre ? Je n'ai pas cherché du tout à régler les comptes. J'ai purement et simplement cherché à relater avec précision, avec exactitude, ce que j'ai vu, ce que nous avons, mes camarades et moi-même, réalisé, ce que nous avons manqué. Quand j'aborde des problèmes politiques, et naturellement, au fur et à mesure qu'on approchait de la libération, ils étaient de plus en plus nombreux, je les dépeins tels qu'ils se posaient à mes yeux. Quand des objectifs étaient fixés et que nous n'avons pas atteints, j'essaye d'en fixer aussi les responsabilités. Alors, bien sûr, il y a des gens à qui ça fera plaisir, d'autres à qui ça va déplaire profondément, mais je n'ai cherché ni à dresser des statues, ni à me transformer en iconoclaste. En fait, vous avez préféré la vérité historique au maintien de certaines légendes. Est-ce qu'elle est historique? Je n'en sais rien. En tous les cas, c'est ma vérité. Il appartiendra aux historiens, dont c'est le métier, c'est pas le mien, de confronter ce que j'appelle mon témoignage avec d'autres témoignages et de tenter, ce qui est bien difficile, d'en dégager la vérité avec un grand V. Mais existe-t-elle? Henri Freinet, au soir du 27 juillet 1940, vous aviez rédigé un manifeste. D'ailleurs, ce manifeste, le texte de ce manifeste, vous l'avez perdu. Peut-être quelqu'un pourrait le retrouver pour vous. Et vous disiez qu'il ne fallait pas afficher une mentalité de vaincu. Et ce manifeste s'achevait par cette phrase « Puisse le maréchal Pétain vivre assez longtemps pour assister au couronnement de notre œuvre ». À ce moment-là, est-ce que vous compreniez, vous, Henri Freinet, le maréchal Pétain? Je ne comprenais pas le maréchal Pétain, mais je croyais connaître le maréchal Pétain, ce qui est tout à fait différent. J'insiste sur le mot « je croyais le connaître ». Je suis moi-même de famille militaire. Vous étiez capitaine. J'ai fait Saint-Cyr, puis l'école de guerre. J'avais mon père et mon frère saint-cyriens. Et enfin, je suis ce qu'on pourrait appeler la bonne bourgeoisie lyonnaise. Vous voyez très bien comment cela se situe. Vous aviez une mère pétainiste. J'avais une mère pétainiste. Pas seulement ma mère, mais toute ma famille. Et j'ajoute qu'ils n'étaient pas les seuls. Je le répète, que 95 à 98% de la population française était dans ce cas. Mais à ce moment-là, il me paraissait impensable que le maréchal Pétain, tel que je pensais le connaître, le vainqueur de Verdun, avec le prestige qui auréolait son nom et son passé, puisse être autre chose que anti-nazi, anti-allemand, et j'espérais donc, par conséquent, qu'il ferait autre chose que ce qu'il a fait par la suite. Vous ne pensez pas qu'il était anti-nazi? Je ne sais même pas s'il savait ce qu'était le nazisme, je n'en suis pas certain. Y avait-il beaucoup de Français à cette époque qui le savaient? Je ne le pense pas. Moi-même, j'ai eu la chance, bien avant la guerre, de connaître le nazisme, d'abord en rencontrant de nombreux réfugiés allemands qui avaient fait déjà l'expérience des camps de concentration avant que d'autres en Europe la fassent. J'avais été au centre d'études germaniques de Strasbourg pendant un an, j'ai étudié ce qu'était l'Allemagne et l'Allemagne contemporaine. Donc le national-socialisme, comme on dit en allemand, dit Deutsche Weltanschauung, la conception national-socialiste du monde. Et je savais très bien qu'entre le nazisme et nous, la France, dans ce que ce mot peut avoir de traditionnellement grand, il ne pouvait y avoir aucun compromis. Cela, je le savais, mais je crois que nous étions très peu nombreux à le savoir en France. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une guerre en quelque sorte traditionnelle, comme il y en avait eu jusqu'en 1914-1918 inclusivement, mais c'était de toute autre chose qu'il s'agissait, c'est-à-dire des valeurs de civilisation qui font, à mes yeux du moins, pour un homme ses raisons de vivre et par conséquent de mourir. On avait alors une certaine idée de la patrie. Votre mère l'avait, cette idée. Votre mère ne comprenait pas que vous partiez dans cette aventure et à un certain moment, même elle pensait à vous dénoncer. Ça a été en effet l'un des moments douloureux et même dramatique de cette période, car ma mère, qui m'aimait tendrement, comme elle aimait ses deux autres fils d'ailleurs, pensait que au-dessus de l'amour maternel, il y a le sens patriotique, et elle pensait que son devoir était de me dénoncer. Ça a été un moment très difficile, mais qui n'a fait, dans mon esprit, qu'augmenter la profonde estime que j'avais pour ma mère, car je savais ce qui lui en coûtait que de me tenir un pareil langage. Mais j'étais obligé de lui répondre, si vous faites cela, lorsque vous m'appellerez à votre lit de mort, je ne serai pas présent. C'est là, si vous le voulez, l'un des signes de l'époque très troublée que nous avons vécue, et où des hommes et des femmes, convaincus d'accomplir leur devoir, ont choisi des voies diamétralement opposées. Vous vous êtes retrouvé à la Libération? Ah oui, sans difficulté. Votre mère avait-elle changé? Elle avait basculé? Mais bien sûr, comme ceux qui se trouvaient devant Notre-Dame en 1944, lorsqu'ils applaudissaient Pétain, qui au mois d'août de la même année applaudissait De Gaulle, elle avait suivi la même évolution. Est-ce que c'était de la lâcheté? Ou c'était plutôt une lucidité de l'événement? Non. Je crois qu'il faut... Ordinairement, les gens sont simples. Et ma mère n'échappait pas à cette simplicité, si j'ose dire. Il fallait trouver des symboles qui représentent le pays. Eh bien, pendant longtemps, pour elle, ce symbole, car ce n'était pas une femme politique, ce symbole, c'était le maréchal Pétain, ses 7 étoiles, son bâton de maréchal, ses cheveux blancs, ses yeux bleus. Et puis, quand il a vu qu'il tombait dans les oubliettes Il a fallu alors un autre symbole. Alors c'était un général de brigade, de Gaulle, et qui représentait la France d'une manière différente, mais avec tout autant d'éclat, sinon plus. Donc pour beaucoup, Pétain était un espoir à ce moment-là. Je pense qu'une très forte proportion du pays, et notamment les militaires, ont pendant longtemps, en tous les cas jusqu'au mois de novembre 1942, c'est-à-dire au moment de l'occupation de la zone libre par les Allemands, ils étaient convaincus que Pétain serait le bouclier et de Gaulle le glaive. Et puis ils se sont aperçus qu'en définitive, il n'y avait pas de bouclier. Le glaive, d'ailleurs, était de dimension modeste. Henri Freinet, je le répète, vous êtes l'un des premiers résistants de France. Vous savez ce que pensait de Gaulle. Fallait-il une réhabilitation de Pétain? Faut-il une réhabilitation? Ce problème est extrêmement délicat. C'est encore un problème d'aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous. Personnellement, je dirais, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Lorsque nous avons envisagé dans le gouvernement provisoire, je parle de 1944, début 1945, ce que devrait être le sort de Pétain, on a retenu la solution que vous savez, c'est-à-dire il a été jugé, condamné à mort, et ensuite mis à l'île-Dieu, où il a fini ses jours. Ma solution à moi était différente, et dès ce moment-là, j'en ai parlé. Je crois qu'elle aurait été à la fois plus cruelle et plus juste. Je pense qu'il n'y a pas de circonstance qui puisse expliquer, excuser qu'un maréchal de France collabore avec l'ennemi. Je pense qu'il n'y a pas à cela ni d'explication ni d'excuse. L'âge ? Alors qu'il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas à prendre la tête de l'État. Dès l'instant où il est à la tête de l'État, il a pris ses responsabilités, et à mon avis, un homme doit porter ses responsabilités d'autant plus fermement qu'il est porté plus haut. Moi, ma solution aurait été le jugement, bien sûr. La condamnation à mort, à mon avis, elle s'imposait. La grâce, immédiatement, mais ensuite une cérémonie à l'Arc de Triomphe, où le maréchal Pétain, devant le front des troupes, aurait été dégradé. On aurait enlevé les insignes de sa fonction et de sa dignité, et on l'aurait ensuite envoyé à Villeneuve-Loubet, et non pas à l'île-Dieu, dans sa maison, pour y terminer ses jours, comme un vieillard qu'il était. Votre condamnation est plus terrible encore. Cela veut dire que... Peut-être par certains 30 côtés, ans après, vous n'avez rien oublié. Je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier que des hommes justes, des hommes droits, des hommes courageux et désintéressés, par lui et uniquement à cause de lui, ont été portés à la collaboration, ont été portés à la milice, sont devenus nos tortionnaires, ont été combattre sur le front de l'Est contre nos alliés, ce qu'ils n'auraient pas fait si d'autres que le maréchal Pétain leur avaient demandé. C'est à cause de lui, c'est sous sa responsabilité personnelle, c'est en répondant à ses appels qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'était pas tellement eux les responsables que ceux ou celui qui les avait encouragés à faire ce qu'ils ont fait. Quand un homme comme Joseph Darnand, chef de la milice, a été fusillé, et il devait l'être, eh bien il a été jusque-là parce que Pétain lui a demandé d'y aller. Alors ce même Joseph Darnand, à l'automne 1942, troublé par l'invasion de la zone libre et troupes allemandes, me demandait de passer en Angleterre. Mais il avait déjà été trop loin, il fallait qu'il aille jusqu'au bout, que lui aussi porte ses responsabilités. Mais s'il y a été, c'est à cause de Pétain. Est-ce que sont là des responsabilités qu'on peut oublier ? Henri Freinet, ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, peut arriver demain encore ? Vous savez, je ne veux pas faire avec vous de la politique fiction. Je n'en sais rien du tout. Je pense que l'expérience qui a été faite enseignera aux Français à réfléchir si par hasard une situation comme celle-là se présente. Mais je ne relève dans la situation internationale actuelle, telle que du moins je la devine, aucune perspective qui nous permette d'envisager qu'une situation semblable pourrait être demain celle de la France. Ce livre qui a pour titre « L'ennemi finira », vous l'avez promené un peu partout en France parce que vous vouliez être au contact de ceux qui lisent. Vous avez rencontré des jeunes. Les jeunes sont-ils encore passionnés ou intéressés par cette époque, par ce temps-là? Je n'en sais rien. Ou est-ce avant-hier et autrefois? Et vous posez là une question qui pour moi a une très grande importance. Dans cette tournée que je viens de faire, en effet, dans toute l'ancienne zone libre, j'ai rencontré beaucoup de gens, et notamment de vieux amis, et parfois ces rencontres ont été profondément émouvantes. Quelques jeunes sont venus. La plupart d'entre eux, quand ils me demandaient de signer, me disaient « c'est pour mon père ». Alors je signais à Monsieur X, etc. Bon. Je crois qu'il y en a eu sur plusieurs centaines, deux ou trois seulement, qui me demandaient à signer pour eux. Alors quand ils vont lire ce livre, ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Eh bien, c'est pour moi en effet un problème qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. Car là-dedans, et bien sûr, il y a des événements, bien sûr, il y a des faits, bien sûr, il y a des drames, bien sûr, il y a du suspense, comme on dit maintenant. Mais il y a surtout des situations psychologiques et parfois dramatiques qui, dans d'autres circonstances, peuvent se présenter. J'aimerais savoir comment des garçons de 25 ou 30 ans, plus ou moins contestataires, nous aussi on était des contestataires à l'époque d'ailleurs, rappelons-le, eh bien, comment est-ce qu'ils vont réagir? Et j'aimerais connaître leur opinion. Et si certains d'entre eux, lisant ce livre, voulaient m'écrire et me le dire, je leur en serais très reconnaissant. Peut-être n'est-ce pas encore de l'histoire, puisque tous ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là, ils sont encore aujourd'hui. Oh ben, tous ceux qui étaient au pouvoir en 1944 ne sont pas au pouvoir aujourd'hui. On ne peut pas dire cela, parce que l'autre jour, je regardais... Je vous attendais au tournant. Je regardais la brochette des ministres qui étaient mes collègues en 1944-1945. Eh bien, la plupart d'entre eux, n'est-ce pas, fument les pissenlits par la racine. Hein. Alors, on est plus très nombreux. Non, je crois que dans la brochette gouvernementale actuelle, on pourrait compter sur les doigts d'une seule main ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Non, il ne faut pas confondre. Je vois que vous n'avez pas changé. On va prendre une pause musicale. Vous avez choisi Anna Marley. Le collégien, il a fait pour une raison bien spéciale. Eh bien, Anna Marley, parce que je l'ai connue à Londres en 1942. Que c'est le chant des partisans. Elle est devenue une très bonne amie, que j'ai assisté à la naissance de certaines de ses chansons, qu'il y en avait une, elle a créé la musique du chant des partisans, et une chanson qui m'a plu particulièrement, parce qu'il y a un petit côté féerique auquel j'ai toujours été sensible, c'est celle-là que j'aurais aimé entendre et que nous allons entendre sans doute maintenant. Il y a un petit texte au départ. Il y a un petit texte, c'est en effet Claude Dauphin qui l'annonce. Et Claude Dauphin qui a annoncé tous ces chants d'Anna Marley avec une voix que certains reconnaîtront. Fiancés depuis quelques mois, nous n'arrivions pas à trouver un maire qui accepte de nous marier dans la clandestinité. Enfin, la cérémonie a eu lieu, et le repas de noces aussi, dans un caboulot aux portes et fenêtres soigneusement fermées. Et la lettre se termine. Venez vite nous rejoindre, le moral est épatant. Signé. L'époux, l'épouse, le témoin, une bonne tache de graisse pour le pâté, une pour le chablis, et dans un coin de l'enveloppe, une toute petite miette de pain de France. Sur les routes de province, des cortèges se formeront. Oh là là, lilali, oh là là, lilon. Des cortèges se formeront. Dépassés par des gamines, des gamins et les violons. Oh la la li la li, oh la la li long. Des gamins et les violons. Aux cheveux une cocarde, aux trois couleurs elles auront. Oh la la li la li, oh la la li long. Trois couleurs elles auront. Et certaines à leur chaîne un ruban noir au médaillon. Oh la la li la. Noir au médaillon. Mais Yvonne, Dieu pardonne à ton cœur promis offrant. Ah la la li la li, ah la la li don. Donne-le, redonne-le don. Pour que dans nos belles campagnes refleurissent les liserons. Ah la la li la li, ah la la li long. arbres fleurissent les liserons. Et que d'autres jouvencelles plus heureuses cueilleront. Oh la la li do, li, oh la la li do. Plus heureuse cueilleront. Oh la la li do. Pour ceux qui prendraient l'émission maintenant, je rappelle que mon invité aujourd'hui est Henri Freinet, l'un des premiers résistants de France, qui vient de publier un excellent livre qui a ce titre « La nuit finira ». J'avais annoncé un disque, une chanson d'Alain Marly, « Le collégien il a fait », et j'ai l'impression que nous avons écouté « Sur les routes de Provence ». C'est aussi une très belle chanson, très gaie, je trouve, même assez émouvante, mais ce n'est pas celle que j'aurais souhaité entendre. Je pense néanmoins que les auditeurs l'auront appréciée. Henri Freinet, vous avez écrit en 1941 « Nous voulons en Europe une fédération d'États égaux avec une Allemagne guérie de sa mégalomanie ». Est-ce qu'on pourrait encore écrire cette phrase ? Ah, plus que jamais. Plus que jamais. Malheureusement, depuis la guerre, on n'en a pas pris le chemin. Cette volonté de réaliser une véritable fédération européenne, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe, était, je crois, l'un des objectifs les plus importants que nous nous étions fixés dès l'instant où nous avons pu entre nous nous réunir et envisager ce que pourrait être la société d'après-guerre. Et lorsque, en 1945, j'ai quitté le gouvernement, n'ayant pas voulu suivre ce qu'on appellerait une carrière politique, j'ai passé 10 années de ma vie, 10 années pleines, à me consacrer à cette cause de l'unité européenne. Nous avons fait, je crois, quand je dis nous, cela veut dire tous les pays, et pas seulement nous-mêmes. Nous avons apporté une modeste contribution, nous avons fait des pas considérables, et qui auraient pu s'achever en 1954, lorsque le traité sur la communauté européenne de défense a été présenté devant les parlements des 6 pays. 5 d'entre eux l'ont approuvé. Le parlement français, à je crois 30 ou 40 voix de majorité, l'a refusé. C'était d'ailleurs, à mes yeux, un tournant fatal. Et la suite, d'ailleurs, n'a pas démenti mon pronostic, car on voit bien aujourd'hui, hélas, que l'Europe, malgré toutes les déclarations, s'enlise entre les mains des technocrates, des experts et des diplomates, mais aucun d'entre eux, ni même, me semble-t-il, certains gouvernements, y compris le nôtre, ne semble pas animé par une véritable foi européenne. Vous aussi, vous semblez vous méfier des technocrates. Vous êtes tellement nombreux, il y en a de plus en plus. Je ne méfie pas des technocrates lorsqu'ils sont à leur place. Je m'en méfie lorsqu'ils ont une place qui n'est pas la leur. Moi, je pense qu'il ne faut jamais prendre un militaire comme ministre de la guerre. Je pense qu'il ne faut jamais prendre un médecin comme ministre de la santé, ni un amiral comme ministre de la marine. Je pense qu'il ne faut pas prendre non plus un technocrate pour être ministre de ceci ou de cela. Je pense qu'ils doivent être à leur rôle, qu'ils sont des exécutants chargés de réaliser la politique qui est fixée par d'autres, par les hommes politiques. Or, peut-être, n'est-ce pas, en ce moment, tout à fait le cas dans notre pays. Vous parliez tout à l'heure, Henri Freinet, de retraite. Est-ce que le temps de la retraite est un cap dur à atteindre et à passer ? Non, en ce qui me concerne, pas du tout. Je dirais même au contraire. Vous l'avez employé, vous ? Oui, je l'ai employé. D'abord, je l'ai vu venir. D'abord, le mot retraite, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'a plus d'activités obligatoires qui vous astreignent à certaines servitudes, à des horaires. Et qu'on fait à partir de ce moment-là ce qu'on a le désir de faire et uniquement cela. Alors je trouve qu'au contraire, la retraite est une forme d'épanouissement dès l'instant où on a la chance, ce qui est mon cas et je touche du bois, d'avoir conservé sa santé. À ce moment-là, on fait ce qu'on désire. Alors pour moi, ce que je désire, c'est vivre une vie équilibrée, l'équilibre étant, je crois, dans l'existence extrêmement important, une vie équilibrée entre la nature, pour laquelle j'ai un goût prononcé, je pêche la truite. J'aime me sentir dans la rivière, l'eau me coulant jusqu'aux genoux, parfois au-dessus, en train de déjouer la méfiance de la truite qui doit se trouver derrière cette touffe d'herbe. Je chasse. Ma femme, qui est une jardinière consommée, m'a appris ce qu'étaient les joies du jardin, alors muni du sécateur, je taille la vigne, je taille mes arbres, plus ou moins bien, mais enfin j'essaye d'apprendre. Donc on peut s'inventer une nouvelle vie. Bien sûr, et puis alors ça m'a permis d'écrire, comme je vous le disais tout à l'heure, ce que je n'aurais jamais eu le temps de faire auparavant. Je peux lire, ce que je faisais rarement. En somme, j'ai une vie tout à fait heureuse. Je suis un homme heureux. Vous avez été ministre. Vous pourriez le redevenir si... Que Dieu m'en garde. Le temps se présentait. Non. Je pense pas qu'un homme soit... 68 ans, c'est trop vieux pour être ministre. Je ne dis pas cela. Lorsque Clemenceau est devenu président du Conseil en 1916, il avait 76 ans. Et comme vous avez vu, ça n'est pas trop mal tiré. Pas mal. À mon avis, c'est pas une question d'âge. C'est une question de goût. Alors, personnellement, je n'en ai pas le goût. La vie que je mène me plaît entièrement. Et puis, je ne suis pas doué pour ce qu'on appelle la politique. Je crois que je suis résolument, comme diraient les joueurs de rugby, à contre-pied. Là où je devrais passer, il faut passer ailleurs et réciproquement. Alors ça, je l'ai compris très tôt. Et si j'ai donné dans ma vie une preuve d'intelligence, je crois bien que c'est celle-là. Henri Freinet, pour en revenir à votre livre « La nuit finira », on peut dire que vous avez taquiné la mémoire de Jean Moulin. Et on vous a un peu accusé. Taquiné ? Non, c'est pas taquiné. J'ai porté un jugement, n'est-ce pas ? Et là-dessus, je voudrais m'expliquer pour éviter tout équivoque. Dans Jean Moulin, comme dans la plupart d'entre nous à l'époque, il y avait deux hommes. Il y avait l'homme qui agissait, et il y avait l'homme qui était, en définitive, qui avait une action politique. Sur l'homme qui agissait, mon jugement reste entier, il est celui de toute la France. Jean Moulin est un héros qui a vécu et qui a vécu dans des conditions très difficiles, supportant le poids de responsabilités écrasantes, qui a été arrêté dans les conditions que l'on sait, qui a été abominablement torturé et qui est mort sans parler et sans avoir donné un seul des secrets que cependant il détenait. Par conséquent, la première chose, c'est de se découvrir bien bas devant sa mémoire. Ceci étant dit, j'ai porté sur lui, en effet, un jugement qui, lui, est d'ordre politique, mais qui n'altère en rien le premier jugement sur l'homme. Ce jugement politique m'a amené, en effet, à cette conclusion que, d'une manière directe ou indirecte, il a, en fait, objectivement, comme on dit dans le jargon politique marxiste, objectivement, il a servi les desseins du Parti communiste. Je ne prétends pas, d'ailleurs, apporter une certitude. J'apporte une conviction profonde de ma part, mais bien entendu que d'autres peuvent ne pas partager. Et j'ajoute d'ailleurs que la plupart de ceux que j'ai rencontrés depuis que j'ai écrit ce livre ne la partagent pas. Mais je maintiens la mienne. Vous êtes farouchement anticommuniste. Absolument pas. J'ai souhaité pendant... Vous êtes socialiste, vous l'êtes depuis 30 ans. J'étais socialiste. D'abord... Vous êtes réformateur. D'abord, je n'étais pas en carte. Et puis ensuite, j'ai été mis en carte, si j'ose dire, ou je me suis mis en carte au lendemain de la guerre, en 1947, avec comme parrain, d'ailleurs un gauchiste de l'époque qui s'appelait Marceau Pivert. Eh bien, j'ai été pendant 15 ans dans le Parti Socialiste, en effet. Je ne le suis plus aujourd'hui, c'est vrai. Mais j'ai souhaité, pour ma part, qu'il puisse y avoir une entente réelle et profonde avec le Parti Communiste, mais les yeux grands ouverts et sur des principes solidement examinés et arrêtés en commun. En fait, cela n'a pas été possible. Le Parti communiste, dans la dernière partie de la guerre, a visé, je crois, à une seule chose, c'est prendre en main le maximum de leviers de commande pour se trouver en mesure, si les circonstances s'y étaient prêtées, de prendre le pouvoir à la libération. C'était d'ailleurs rigoureusement impossible, étant donné que d'une part, notre territoire n'a pas été libéré par l'armée soviétique, mais libéré par les troupes anglo-américaines, et que le prestige de Gaulle était tel qu'une prise de pouvoir était vraiment impossible. Il n'en demeure pas moins que autant je souhaitais une alliance, comme dirait François Mitterrand, sur une base équilibrée, autant avoir la mainmise totale des communistes sur la vie française, étant donné que je ne le suis pas, je ne pouvais pas approuver. Alors on en a déduit que j'étais anticommuniste viscéral. On a employé d'ailleurs ce terme il y a quelque temps. Pas du tout. Je suis contre certains objectifs du Parti communiste, parce qu'en effet, le régime qu'ils ont instauré là où ils ont le pouvoir, personnellement, ne me satisfait pas. Il faut également remarquer que peut-être cette petite brouille vient du fait que vous aviez eu des difficultés avec l'humanité au moment où vous étiez ministre du gouvernement. Oui, bien sûr. Voyez-vous, je me trouvais dans une situation qui était, aux yeux du Parti communiste, politiquement dangereuse. Ayant joué dans la résistance un certain rôle, J'avais donc de ce fait sur cette résistance, je pouvais avoir de ce fait une certaine influence. Et d'autre part, j'étais ministre des prisonniers, des déportés et des réfugiés. Ce qui représentait à l'époque, avec les réfugiés, j'insiste, un peu plus de 4 millions de personnes. Et je me trouvais le seul à être à ce confluent de forces, les unes issues de la résistance, les autres issues de la captivité pour la plupart, ou des gens éloignés de leur foyer. Et sur eux aussi, je pouvais exercer une influence. J'étais donc un homme potentiellement dangereux. C'est sans doute ce... Le Parti communiste s'en est avisé, et pensant qu'il était peu probable de me faire rentrer dans ses rangs, ce qui était d'ailleurs de leur part un jugement très correct, ils ont pensé qu'il était nécessaire de me discréditer aux yeux de, l'opinion dans la plus grande mesure du possible. Ils s'y sont employés, je dois dire d'ailleurs, avec un certain succès. Vous en avez souffert? Oui, oui, je dois le dire. Souffert parce que d'abord les attaques étaient infiniment injustes, n'est-ce pas? Par exemple, je crois avoir un article de journal qui allait jusqu'à dire « Freinet, homme de la Wehrmacht ». Comme on dirait maintenant, c'était quand même un peu poussé. Ou bien l'homme qui refuse de faire rentrer en France des enfants israélites, des enfants juifs, ce qui rappelle étrangement les mots d'ordre de Dr. Goebbels. Un petit journal de province également expliquait que j'étais un voleur du mobilier national. Et j'en passe, et des meilleurs. Alors, au surplus, j'avais à cette époque, tous les jours, sous les fenêtres de mon ministère, environ une centaine de types qui venaient brailler, freiner des missions et freiner au poteau. Naturellement, j'essayais de faire bonne figure, mais à la longue, quand ça dure 6 mois, sans désemparer, jour après jour, on doit dire quand même que, qu'on le veuille ou non, c'est une épreuve. C'est ce jeu de la politique qui vous a terriblement agacé et qui vous a... Ce n'est pas cela. Qui vous a éloigné. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Parce qu'après tout... Recevoir des attaques de ceux qui vous considèrent comme un ennemi, je dirais, c'est assez normal. Même ces attaques sont faites, sont empoisonnées. Et elles étaient empoisonnées. Mais non, ce qui m'a déplu, voyez-vous, c'est que je crois que dans la vie politique, dès l'instant où on essaye de parvenir vers les sommets, et c'est le but, si on veut exercer une influence, c'est au sommet qu'on peut l'avoir, à ce moment-là, les adversaires se trouvent dans les propres formations auxquelles on appartient. Alors à ce moment-là, il faut commencer par se battre avec ses amis, ou contre eux plutôt. Et si par hasard on ne se bat pas contre eux, c'est eux qui se battront contre vous. Alors voyez-vous, ça c'est un jeu que je ne sais pas faire, et je n'ai pas envie de faire. Et comme je n'avais pas envie d'être cocu non plus en jouant ce jeu-là, ben je me suis retiré, ça m'a paru être la solution la plus raisonnable. Henri Freinet, j'ai retenu des phrases qui sont de vous, celles-ci. « L'intransigeance est l'arme des faibles ». La générosité, celle des forts. On pourrait ajouter d'ailleurs que l'agressivité est la libide des médiocres. Alors êtes-vous intransigeant? Êtes-vous généreux? Êtes-vous agressif? Je faisais allusion, je vois bien d'où vous avez tiré cette phrase, c'est-à-dire de mon livre, et je disais cela à De Gaulle en 1943, au moment où il venait de fin 43, de prendre la direction de ce qu'on appelait l'Empire, actuellement en guerre, et il y avait à mon avis pour lui un tournant à prendre. Jusque-là, il avait été en quelque sorte un symbole, en quelque sorte une Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc ne peut pas transiger, même si elle n'a rien, même si elle n'a rien que son oriflamme et son épée, eh bien, elle ne peut pas transiger, quelles que soient les circonstances, car à partir du moment où elle transige, il ne reste plus rien. De Gaulle était cela. Mais à partir du moment où il avait derrière lui une force matérielle, appréciable, qui n'était pas encore considérable à l'échelle de la guerre, c'est-à-dire toute l'Afrique française, toutes les possessions françaises d'outre-mer, eh bien, à ce moment-là, il devait, à mon avis, changer d'attitude, changer de méthode, ce qu'il s'est bien gardé de faire. Il fallait qu'en quelque sorte, après avoir été Jeanne d'Arc, il essaye d'être Richelieu. Mais il ne l'a pas fait. D'autre part, je crois qu'il n'a pas compris le drame de la France. Et il fallait qu'il soit généreux, comme Henri IV l'a été lorsqu'il est rentré à Paris. Il fallait qu'il soit généreux vis-à-vis des excellents Français dont nous parlions tout à l'heure, qui avaient suivi une voie très différente. Et il ne l'était pas. Je voudrais vous citer un exemple. J'avais un très bon camarade, Dunoyer de Ségonzac, qui a été le chef de l'école des cadres du Riage pendant la guerre, un homme remarquable en tout point. En 42, il a sauté le pas, il a pris le maquis, où il s'est bien battu, et en début 44, il arrive à Alger. Il avait joué en France un rôle important, et De nombreux élèves, qui ont été ses élèves, sont aujourd'hui dans les fonctions les plus éminentes de l'État. J'ai demandé à De Gaulle de le recevoir. Cet homme qui venait des Maquis, qui allait y retourner, et malgré tout, on n'était pas tellement nombreux, réponse de De Gaulle, non, Freinet, je ne recevrai pas vos vichistes. Et il appelait vichistes ces hommes qui n'avaient pas, jusqu'en 1942, suivi le même chemin que lui, qui venaient du combat et qui retournaient. Ce n'était pas faire preuve, à mon avis, ni d'une grande perspicacité, ni d'une grande générosité. Henri Freinet, il y a eu des appels téléphoniques, des auditrices qui sont indignées, c'est leur mot, et qui disent, je prends par exemple l'appel de l'une d'entre elles, c'est la mort dans l'âme que Pétain a demandé l'armistice, c'est un martyr. La demande d'armistice pourrait donner lieu à un très très long débat pour savoir si on a eu raison ou tort de le signer. Pour moi, je pense que c'était une erreur, car l'opinion publique ne fait pas toujours une différence entre ce que c'est une capitulation et ce que c'est l'armistice. Tous les pays de l'Europe, à l'exception de la France, ont vu leur armée capituler, mais leur gouvernement ne s'est pas incliné. Il y a là plus qu'une nuance, il y a un abîme. Nous avons été le seul pays à signer un armistice. Tous les autres gouvernements se sont réfugiés à Londres et ont juridiquement continué la guerre à la mesure de leurs moyens. Et nous avions d'autant plus de raisons, selon moi, de prendre cette attitude-là que nous avons derrière nous ce qu'on appelait l'Empire, ce que bien d'autres n'avaient pas. Donc je crois, selon moi, que l'armistice a été une erreur. Je conçois cependant, et on en débattra toujours, qu'il y ait une opinion contraire. Ceci étant dit, il ne faut pas seulement juger Pétain sur l'armistice, il faut juger sur les actes de 1940 à 1944, en reprenant, et je ne ferai pas ce que j'ai tout à l'heure, la responsabilité qu'il a endossée, en envoyant, on peut le dire, par sentiment du devoir, jusqu'au peloton d'exécution, des hommes qui, cependant, méritaient, et à mes yeux, méritent encore le respect. Henri Freinet, vous étiez capitaine, vous avez toujours été un combattant, vous ne pouviez pas être un homme politique. Oh, bah écoutez, il y a des exemples dans la vie française de militaires qui sont devenus des politiques. Oui, ça n'a pas d'ailleurs toujours réussi, mais je ne pense pas qu'il y a de ce fait une incompatibilité totale. Je crois cependant que la formation militaire dans son ensemble ne prédispose pas à la vie politique. Il y a une certaine rigueur, il y a une certaine, parfois, intransigeance, je reprends votre terme, qui fait qu'on se prête peut-être plus difficilement que d'autres aux inévitables compromis qui sont de règle dans la vie politique. Je crois en effet que je n'étais pas fait pour elle. Est-il recommandé de tout dire, comme vous le faites dans cet ouvrage « La nuit finira » ? D'abord, j'ai dit l'essentiel, 95%. Il y a des choses qui étaient d'ordre très personnel, pas personnel à moi, mais personnel à des gens que je cite, et je n'ai pas jugé bon d'évoquer. Il fallait, je crois, malgré tout, une certaine discrétion. Mais je crois qu'à partir du moment où 30 ans sont écoulés, où les passions sont apaisées, où on n'a pas encore la possibilité d'avoir le jugement de l'historien, mais où on a un recul suffisant, je crois qu'il est bon, avant de mourir, de donner un témoignage. Et puis ensuite, alors les historiens, la postérité, en feront ce qu'ils voudront. C'est dans cet esprit que j'ai écrit, en essayant de ne mettre dans mon livre que des faits soigneusement contrôlés, encore une fois, en réservant à ceux qui le liront plus tard, avec un recul plus grand, de réviser peut-être certains jugements que j'ai portés. Henri Freinet, vous voudriez avoir 30 ans et retrouver ce climat de la résistance, vous disiez tout à l'heure, cette atmosphère fraternelle que vous ne semblez pas avoir retrouvé ensuite. Si, je l'ai retrouvé. Voyez-vous, je viens de faire une tournée en province qui a été pour moi... Vous l'avez retrouvé dans le souvenir. Profondément émouvante, oui, mais enfin des souvenirs qui étaient très, très, très vivants. Mais je pense que retourner en arrière, d'abord, c'est un vœu pieux. Si on me proposait de revenir à l'âge de 30 ans, je ne crois même pas que j'accepterais. Et même, je disais souvent autour de moi, si un bon génie, si Dieu le Père venait m'offrir, comme le docteur Faust, la vie éternelle, je la refuserais. Je crois que la vie, en définitive, n'a de sens que parce qu'il y a la mort. Et c'est parce qu'il y a la mort que chaque acte de notre vie prend un certain relief. Si cette vie était éternelle, chacune de nos actions, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées deviendra en définitive des platitudes. C'est parce que dans le fond de tableau, il y a la mort qui approche, que toute notre vie prend un sens. Alors je n'ai pas envie de retourner à l'âge de 30 ans. Enfin, la vie a un contour, et ce contour, vous l'avez essayé. La vie a un contour, bien sûr. Elle a eu pour moi un contour, parce que je lui donne un sens. Alors, pour moi, vivre, ça a été d'essayer à tout moment de mettre en harmonie mes paroles, mes actes. Parfois, j'ai réussi, parfois non, mais ça a toujours été une tentative permanente. En un mot, si vous voulez, j'ai toujours essayé d'être sincère. Ceux qui me connaissent me diront si j'ai réussi, c'est pas à moi de répondre. Cela peut paraître un peu prétentieux que de dire « pourquoi aller plus loin ?» Cela veut dire très précisément « j'ai tout fait, j'ai tout prouvé ». Rien du tout, je n'ai jamais dit que j'ai tout fait. J'ai dit que j'ai fait quelque chose, modestement, à la place que le destin m'a assignée. Et quelle place ? Je n'ai rien prouvé. Encore une fois, j'apporte une certaine contribution à l'histoire d'une époque. C'est une contribution qui est apportée par un homme placé à un certain point d'observation. Ceux qui sont placés à un autre auront peut-être vu un envers du décor que je ne connais pas. Encore une fois, je ne prétends pas apporter la vérité. Je prétends apporter ce que j'ai vu, ce que j'ai fait, ce que nous, je ne devrais pas dire je, ce que nous avons fait, ce que nous avons tenté. Tout cela, mais rien de plus. Henri Freinet, votre ambition était de servir ou de témoigner ? Bien, je crois que c'est un peu la même chose. J'ai d'abord essayé de servir parce que ça a été ma formation. Le militaire que j'étais était placé au service de l'intérêt général. Il doit être placé ainsi. Et après avoir essayé de servir dans des postes d'ailleurs très différents, dans des fonctions de responsabilité très diverses, ensuite j'ai voulu en effet apporter le témoignage parce que, je répète, les points d'observation auxquels j'étais placé, il n'a pas été donné à beaucoup de gens de les occuper. Henri Freinet, les événements ont transformé l'homme, alors qui êtes-vous devenu ? C'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai l'impression que... À part les rides qui se sont creusées sur mon visage et que les caméras de la télévision soulignent parfois cruellement, je crois que je suis resté le même homme. Vous vous êtes regardé, alors ? Oui, parce pas le jour où j'étais à ouvrir les guillemets, mais enfin, dans d'autres circonstances, je me suis regardé et je ne me suis pas plus du tout. Pas du tout. Non, je crois que je suis resté le même homme au fond de moi-même. Je crois que les caractéristiques sont semblables. Peut-être suis-je un peu moins tempétueux que je l'ai été. Mon Dieu, ça c'est, si j'ose dire, le fait de l'âge. Mais je crois que les qualités et les défauts, grosso modo, que je pouvais avoir, non pas à ma naissance, mais disons à mon adolescence, je crois que je les ai encore avec moi aujourd'hui. Y a-t-il une chose que vous n'avez pas osé dire à votre fils ? Non. Rien. Merci Henri Freinet.